Quand on tend le doigt vers l'horizon, c'est pas le doigt qu'il faut regarder. Roger Ndokolo, Mariam Ndokolo, Okongo Marcel, Jidi Kayel, Hermène Kaba, Germaine Lenge, Maman Moziki, Okongo Marcel, Jaco Sayala, Sala Kalala, Ibebe Nitango Nyoso. Fidel Castro, super champion, toute catégorie. Mario Diolela. Marcel, Jolie qui a la papa, l'Ophélie. contre Babilio. Président Alexis Brazzaville. Docteur Ananemba Lamé. Maître Alexis Tambo Mwamba, la rigueur dans la gestion. Nadine Biluka, ya Nicole. Tom Bongol, tel Marina na Brazzaville. Detek, Biantotila. Deklo, Koutchevuko. Dilibios. Johnson Keto. Zalak Mazonsika. Jean-Jacques Bayonne, 5 sur 5 à Brazzaville. Flori Mokoto. Gaspi Van Nord. Miswanga Annie. La Fossette. Dias.